Chapitre 13. La situation de la maîtresse était si triste qu'on ne sera pas plus surpris de l'empressement avec lequel je courus au rendez-vous le lendemain à 10 heures du matin. Dès que j'entrai dans le boudoir, la marquise s'efforça de cacher le mouchoir dont elle s'essuyait les yeux. « Monsieur, me dit-elle, je vous prie d'excuser mes importunités. Je n'abuserai pas de votre complaisance. » Et je ne vous demande qu'un moment d'attention. J'ai perdu tous mes droits sur votre cœur. Je veux au moins conserver votre estime. Un danger commun nous menace. Je veux vous le montrer pour vous l'épargner. Monsieur, vous vous rappelez sans doute comment le hasard qui seconda si bien votre adresse vous mit dans mon lit. Hélas, vous n'avez pas oublié de quel prix votre audace fut récompensée. Mais vous excuserez ma faiblesse. Si vous songez qu'à ma place aucune femme n'eût été plus forte que moi. Le lendemain, cependant, quand je vins à réfléchir qu'un jeune homme, que je connaissais à peine, possédait mon cœur et ma personne, je fus épouvanté. Mais ce jeune homme brillait de 1000 qualités réunies. Sa beauté m'avait étonné. J'étais charmé de son esprit. Il me paraissait sensible. Il n'avait pas 16 ans. Je me flattais de captiver sa tendre jeunesse, de former son cœur docile. J'osais concevoir l'espérance de me l'attacher pour toujours. Je n'épargnais rien pour serrer davantage des nœuds trop précipitamment formés, mais que je voulais rendre indissolubles. Toutes mes espérances furent cruellement trompées. J'avais une rivale. Oh, mon ami ! Je me jetai à ses genoux. Je voulus prendre sa main qu'elle retira. Votre amitié, monsieur, elle m'est bien nécessaire. Tant qu'un doux espoir a pu m'abuser, je me suis étourdi sur le danger. Mes yeux ne se sont ouverts que lorsque l'étonnante fuite de Madame Ducange a pénétré mon cœur de cette affreuse vérité que je n'étais pas aimé. Ah, si mon erreur m'était restée, je serais encore au fond de l'abîme sans l'avoir aperçu. La marquise versait un torrent de larmes. Je me jetai encore à ses genoux. « Oh, ma tendre amie, je vous aime, je vous aime. »« Non, non, je ne le crois pas, je ne peux plus le croire. » »« Chevalier, je ne vous demande qu'une grâce, une unique grâce. »« Songez, dès à présent, à vous dérober au ressentiment de Madame de B. »« Je l'attendrai courageusement quand j'y serai seul exposé. »« Partez, Faublas, partez, emmenez ma rivale. »« Soyez heureux autant que vous m'êtes cher, autant que je suis malheureuse. » Qui, moi, je ferais une double lâcheté, je fuirais le marquis, je laisserais la plus généreuse des femmes en butte à sa fureur. Ma chère maman, pourquoi ces alarmes cruelles? Elles sont trop bien fondées, monsieur. Apprenez l'embarras où je suis. Un événement tout simple va bientôt éveiller les soupçons du marquis et l'engager à chercher des éclaircissements dont le résultat sera funeste. Monsieur, vous n'oublierez pas plus que moi cette fatale aventure de l'ottomane, cette scène bizarre qui, dans le temps, nous a tant chagrinés tous deux. Vous paraissiez alors ne me voir qu'avec peine au pouvoir d'un autre, et moi-même, je souffrais d'être obligé de partager un bien qui me semblait n'être dû qu'à l'amant aimé. Je pris le parti de refuser au marquis l'exercice de ses droits les plus incontestables. Mon mari, trop exigeant, me faisait de fréquentes querelles que je supportais à cause de vous. À cette époque, nos rendez-vous se sont multipliés, et je n'ai pas toujours conservé dans vos bras, ici la marquise rougit beaucoup, cette présence d'esprit si nécessaire à une femme qui ne vit pas avec son mari. Enfin, monsieur, il y a près de 3 mois que le marquis n'a couché dans mon appartement, et cependant je suis enceinte. Enceinte ? Répétai-je avec un cri de joie. Enceinte ? Je suis père, et je vous abandonnerai, maman, ma chère maman, je vous ai toujours aimée. Vous me devenez plus chère que jamais. Je suis enceinte, répéta aussi la marquise, mais d'un ton si douloureux que mon cœur en fut déchiré. Malheureuse mère, enfant plus malheureux. À ces mots, elle s'étendit plutôt qu'elle ne se renversa sur le canapé où je m'étais assis près d'elle. Ses yeux se fermèrent, sa tête retomba mollement sur son sein, mais le mouvement égal de ce sein doucement agité, ses lèvres toujours vermeilles, les roses de son teint qui me laissaient voir la toilette négligée du matin et qui, loin de se flétrir, brillaient d'un éclat plus doux, tout m'annonça que l'état de faiblesse dans lequel je la voyais n'aurait pas de suite fâcheuse. Mes baisers brûlants ne purent la rendre à la vie. Je me précipitai dans ses bras, elle tressaillit, et les plus vives sensations, graduellement produites, la tirèrent enfin de sa léthargie. D'abord, ses bras voulurent me repousser, bientôt ils m'attirèrent. Mon amante partagea mes transports et me prodigua les noms les plus doux. Me voilà donc exposé à de nouvelles perfidies, me dit-elle, dès qu'elle eut repris ses sens. Je la rassurai par les protestations réitérées d'un attachement toujours durable. Elle témoigna pourtant quelque défiance quand je lui dis que Madame Ducange s'était réfugiée chez le comte de Rosembert, mais enfin elle parut me croire. Elle m'apprit, en m'accablant des plus tendres caresses, qu'elle se croyait au second mois de sa grossesse, et je ne sortis du boudoir qu'après avoir pris jour pour y revenir. Depuis 2 heures, cependant, je me croyais un autre homme. Quelle nouvelle la marquise venait de m'apprendre ! Comme les idées de paternité flattent l'amour-propre d'un adolescent. J'espérais trouver chez moi Rosembert, à qui je brûlais d'apprendre mon bonheur. Jasmin me dit que le comte était en effet venu, mais qu'il n'avait pu m'attendre longtemps. Une maladie dangereuse, tout à coup survenue à l'un de ses oncles, dont il était le seul héritier, l'obligeait d'aller s'enterrer sur le champ au fond de la Normandie, dans une terre dont cet oncle était le seigneur. Rosembert n'avait pu dire à Jasmin si son retour serait prompt. Mais au cas que son exil se prolongeât, il me priait de venir passer quelques jours avec lui, si j'en avais le courage et si mes amours me le permettaient. Oh, ma jolie cousine, ton souvenir m'occupa le reste de cette journée, et durant tout le cours de celle qui la suivit. Un ciel nébuleux m'annonça la nuit du rendez-vous. Je soupai avec le baron. Ensuite, au lieu de remonter chez moi, je descendis sous la porte cochère. Le Suisse, enfin gagné par mes libéralités, ne me vit pas sortir. Je me rendis derrière le couvent, dans une rue écartée, où d'Erneval, accompagné de 2 fidèles domestiques, m'attendait déjà. Les échelles de corde furent bientôt attachées. Bientôt j'embrassai celle que j'adorais. Il faut avouer qu'elle eut cette nuit-là 2 grands combats à soutenir. Je n'osais aspirer encore à l'entière possession d'une amante aussi honorée que chérie, mais je voulais obtenir des faveurs plus précieuses que celles qui m'avaient été jusqu'alors accordées. Il fallut toute la vertu de Sophie pour arrêter mes entreprises à chaque instant renouvelées. À 4 heures du matin, nous nous donnâmes le baiser d'adieu. Jasmin, muni d'une grosse clé, attendait mon retour et m'ouvrit doucement les portes de l'hôtel dès qu'il entendit le signe convenu. C'est ainsi que, pendant 3 mois, je trompais la vigilance du baron, qui dormait tranquille, tandis que Sophie, ayant à combattre sa propre faiblesse et mes désirs toujours renaissants, m'étonnait par sa longue résistance. C'est ainsi que, pendant 3 mois, je trompais la jalousie de Madame de B, à qui mes journées étaient consacrées. La marquise me recevait souvent chez sa marchande de mode, quelquefois à sa maison de Saint-Cloud, quelquefois aussi chez elle. J'arrivais rarement le dernier au rendez-vous. Ma belle maîtresse, charmée de mes empressements et peut-être étonnée de ma constance, semblait craindre d'épuiser mon amour. Son état, qui exigeait tant de ménagements, fournissait différents prétextes aux refus fréquents dont elle aiguillonnait mes désirs. C'était des faiblesses d'estomac, des migraines, des maux de cœur, 1000 autres indispositions qui toutes, me rappelant qu'elle était mère, la rendaient plus intéressante à mes yeux. Rosembert revint dans les 1er jours d'octobre. À la nouvelle de la grossesse de Madame de B, le comte me félicita d'abord. Mais au récit des circonstances qui avaient accompagné la confidence qu'on m'en avait faite, il sourit et secoua la tête d'un air défiant. « Mon ami, me dit-il, tout cela n'est pas clair. Je crois que les alarmes de la marquise n'ont pas dû vous inquiéter beaucoup, et son état me paraît au moins problématique. D'abord, s'il est vrai qu'à l'époque de cette aventure de l'ottomane, elle ait renoncé à M. de B, et c'est un effort dont je la crois bien capable, il est encore moins douteux qu'aux premiers indices d'une fécondité traîtresse. Elle se sera arrangée de manière que son heureux époux puisse attribuer tout l'honneur du chef-d'œuvre, qui serait mis en lumière 8 mois après. Ainsi, vous concevez qu'elle n'a joué l'inquiétude que pour attendrir davantage votre cœur compatissant. Les observations de Rosenberg me paraissaient pressantes, mais il m'en coûtait beaucoup de renoncer aux doux espoirs dont j'étais bercé depuis plusieurs mois. Je me promis de ne rien négliger pour éclaircir les faits le soir même. Justine était venue me dire qu'à l'entrée de la nuit, je pourrais me rendre chez sa maîtresse. Je n'y manquais pas. Je n'eus pas besoin de frapper aux portes de l'hôtel, elles étaient ouvertes. Mais le Suisse me vit, je nommai Justine, et me coulant derrière une voiture qui venait apparemment d'entrer, je gagnai l'escalier dérobé. Arrivé au boudoir, j'ouvris la porte, j'entrai brusquement, et je ne fus pas peu surpris d'entendre M. de B qui parlait très haut dans la chambre à coucher de la marquise. À l'instant même, Justine, sans doute effrayée du bruit que j'avais fait en ouvrant la porte, se précipita de la chambre à coucher dans le boudoir. « Il rentre dans le moment, » me dit-elle en me poussant dehors. J'eus bientôt descendu quelques degrés. « Mais voyez donc cette sotte qui s'enfuit quand je lui parle ?» s'écria M. de B, qui poursuivit Justine. Il entra dans le boudoir à l'instant où elle tenait d'une main le flambeau dont elle m'éclairait, et de l'autre la porte entr'ouverte. La rusée suivante, sans répondre un seul mot, acheva de tirer la porte qu'elle ferma à double tour, et puis elle me fit signe de l'attendre. « N'ayez pas peur, » me dit-elle, dès qu'elle fut près de moi. « Il ne peut plus nous joindre. Mais, monsieur, ce boudoir vous est funeste. » Ici Justine laissa échapper des éclats de rire que le marquis entendit. « L'impertinente ! » s'écria-t-il. « Elle rit de sa sottise. Elle me ferme la porte au nez. » Je n'entendis pas le reste, car Justine, qui faisait d'inutiles efforts pour modérer sa gaieté, recommença à rire plus haut qu'auparavant. Je la pris dans mes bras. « Friponne, tu vas payer pour ta maîtresse. » À ces mots, je soufflai la bougie, je donnai un baiser à la rieuse, et je l'assis doucement sur les marches. « Eh, mais monsieur, que faites-vous donc ? Quoi, sur un escalier ?» Au lieu de répondre, je préparai le moment fortuné. Mais Justine, un peu trop vite, fit un mouvement brusque et si malheureux que le flambeau qui se trouvait à côté d'elle roula du haut en bas de l'escalier avec un grand fracas. « Qu'est-ce que cela ? » cria le marquis à travers la porte. « Justine, vous avez fait un faux pas. »« Oh, ce ne sera rien, rien du tout, » lui répondit-elle d'une voix tremblante. « Oui, rien, » répliqua-t-il. « Elle ne peut pas parler. » Pendant ce court dialogue, Justine s'efforçait de me chasser du poste que j'occupais et que je m'obstinais à garder. Quoiqu'il me parût fort dur de quitter le champ de bataille avant d'avoir remporté la victoire, il fallait m'y décider pourtant. Le marquis venait de sonner ses gens, et nous l'entendîmes leur ordonner d'aller relever Justine, qui venait de faire un faux pas dans l'escalier dérobé. Je n'avais pas un moment à perdre. Au risque de me rompre 20 fois le col, je descendis l'escalier dans un désordre extrême. J'aperçus près de là une remise où je courus, non sans peine, me cacher et me rajuster de mon mieux. Je me disposais à sortir de ma retraite pour traverser la cour, quand les domestiques parurent au bas du grand escalier. Ils accouraient avec des lumières. Je n'eus que le temps d'ouvrir la portière d'un carrosse dans lequel je me précipitais. De là, je vis que Justine épargnait la moitié du chemin à ceux qui la venaient secourir. Elle fut ramenée, comme en triomphe, par des laquais charmés de l'avoir trouvée saine et sobre après une aussi terrible chute. Déjà, ces messieurs remontaient le grand escalier en faisant 1000 exclamations joyeuses. Déjà, je me préparais à profiter du moment pour m'échapper. Mais mon destin bizarre m'avait réservé pour cette soirée les plus ridicules malheurs. Du gros de la troupe se détacha tout à coup un grand diable de palefrenier qui, s'acheminant tout droit vers la remise, commença par poser sa chandelle sur le marchepied du carrosse, où je restais dans une horrible transe. Il visita ensuite une voiture remisée près de la mienne. C'était apparemment celle qui venait de ramener le marquis. Il fit encore quelques tours sous la remise et revenant enfin s'asseoir sur le commode marchepied après avoir ôté sa chandelle qu'il souffla. « Elle ne peut pas tarder à venir, » dit-il. « Attendons-la. » Dès que cette lumière, qui me gênait cruellement, fut éteinte, je me sentis plus tranquille. La nuit était si sombre, il faisait un brouillard si épais qu'on ne distinguait rien à 4 pas de distance. Cependant, un grand quart d'heure s'était écoulé. La personne désirée n'arrivait pas. Je m'impatientais dans ma prison autant que mon geôlier, qui jurait tout bas sur son marchepied. Enfin, j'entendis un léger bruit dans la cour. Le palefrenier l'entendit aussi, car il se leva en toussant doucement. On lui répondit sur le même ton, on s'avança, on lui parla tout bas. « C'est bon, » répéta-t-il assez haut pour que je l'entendisse. « Dans celui-là, » ajouta-t-il, et il frappa sur mon carrosse. À ces mots, on quitta l'intelligent domestique qui restait seul, vint à ma portière, la ferma à clé, passa de l'autre côté, en fit autant, et ferma de même l'autre voiture remisée près de la mienne. « Maintenant, » se dit-il à lui-même, « je puis allumer ce réverbère. » Et comme s'il avait eu un parti pris de me désoler, il alla précisément en face de la remise allumer un très gros fanal qui, dans le fond de cette cour, moins large que profonde, jetait, malgré le brouillard, un assez grand jour pour qu'on pût aisément distinguer tout ce qui s'y passait. Après cette belle opération, il s'éloigna en sifflant. « Oh, mon ange tutélaire, oh, ma Sophie, ce fut toi que j'invoquais dans ce moment critique. J'eus tout le temps de songer à ma jolie cousine. J'aurais pu m'évader peut-être, mais je n'osais le tenter, parce que les domestiques allaient et venaient sans cesse dans la cour, parce qu'enfin, dans la crainte qu'on ne m'eût découvert et qu'on ne me guettât au passage, j'aimais mieux attendre l'ennemi que d'aller le chercher. L'ennemi ne vint pas, et je finis par m'endormir dans mon poste. Le bruit de la porte cochère qui criait sur ses gonds me réveilla sur le minuit. Le Suisse, un trousseau de clés à la main, fermait toutes les serrures et barricadait toutes les portes. C'était l'instant que je redoutais. C'était sans doute celui qu'on avait attendu pour me venir assiéger. J'en fus quitte pour la peur. Le Suisse rentra paisiblement dans sa loge, un domestique éteignit les réverbères, chacun s'alla coucher. Le silence profond qui régna bientôt dans l'hôtel me rassura totalement. Il était clair qu'on ne songeait pas à moi, et que ces mots, dans celui-là, qui m'avaient tant inquiété, indiquaient seulement une aventure nocturne dont j'allais être le témoin. Cependant, je sortais d'un embarras pour retomber dans un autre. Ma prison paraissait devoir être le lieu de la scène qui se préparait. Dans un espace aussi étroit, un tiers ne pouvait qu'incommoder les acteurs, et j'étais d'ailleurs très intéressé à ce que ceux-ci, quels qu'ils fussent, ne me découvrissent pas. Je ne pouvais donc sortir trop tôt du carrosse. Je voyais encore de la lumière dans les appartements, mais il n'y en avait plus dans la cour et le brouillard était toujours fort épais. Je pouvais, sans craindre d'être aperçu, tenter enfin la descente. Je l'exécutais fort heureusement. Quel plaisir j'éprouvais quand je sentis le pavé de la cour. Un jeune Parisien, engagé pour la première fois de sa vie dans une promenade sur mer, ne ressent pas une joie plus douce en rentrant dans le port. Un léger retour sur moi-même calma l'ivresse de ce premier transport. Puisque tout était fermé, je m'étais procuré seulement une prison moins incommode. J'avais faim, j'avais froid, et pour comble d'ennui, une horloge éternelle sonnant des quarts quand je croyais compter des heures, me fatiguait de son bruit monotone et me promettait la plus longue des nuits. Les bougies s'éteignaient peu à peu dans les appartements. Une profonde obscurité régnait partout. Cependant, personne ne paraissait encore. Mon impatience était égale à ma curiosité. Il est enfin 3 heures du matin. J'entends quelques mouvements dans la cour. Un homme, dont je ne puis distinguer les traits, s'avance doucement. Je recule avec précaution. Il ouvre la portière et monte dans le carrosse, au moment où, pressé d'un désir curieux, je m'assieds modestement derrière. Après un quart d'heure de silence, l'inconnu frappe les pieds, et tout d'un coup, apostrophant à la fois la nuit, le froid, le brouillard et une personne qu'il appelle chienne, il descend du carrosse, se promène sous la remise, et pour se distraire apparemment, il vient à 2 pas de moi satisfaire un besoin très malhonnête. Ce monsieur, dès qu'il a fini, donne de nouveaux signes d'impatience. « La chienne !» s'écrie-t-il à tout moment. Et il accompagne cette exclamation de quelques autres expressions plus énergiques. Enfin, il ajoute « Que c'est bête de me donner rendez-vous ici, de ne pas vouloir que j'aille dans sa chambre comme les autres fois. » Elle vient me conter que la nuit dernière, madame a entendu du bruit et que ça tâche son honneur. Son honneur, je dis, ça se peut bien, mais faut-il pour cela qu'elle me laisse pendant 2 heures gober le brouillard et le rhume? La chienne de femelle ne sait donc pas que quand un homme est gelé, la complainte de l'amoureux, on devine que c'en était un, fut interrompu par un léger bruit qui attira son attention et la mienne. Il se leva, alla au-devant de la personne aimée, la joignit à peu de distance et lui reprocha sa lenteur. Elle se justifia par un baiser bien appuyé. Cette façon de répondre plut apparemment beaucoup à l'amant. Il répliqua de la même manière, et la conversation s'anima au point que le choc égal et soutenu de leurs lèvres amoureusement pressées forma bientôt un concert dont un tiers observateur devait peu goûter l'harmonie. À la crainte que j'avais d'être découvert, se joignait alors un désir inquiet de savoir quelle était la beauté facile dont le langage avait à la fois tant de douceur et d'énergie. Mais les ténèbres épaisses qui m'avaient protégé contre l'amant dérobaient l'amante à mes regards curieux. Leur couple, qui s'entendait si bien sans parler, monta dans le carrosse. Il en partit aussitôt des soupirs étouffés, des gémissements tendres, et la caisse, violemment poussée, fit en une minute 20 soubresauts qui m'apprirent assez à quelle espèce d'exercice se livraient ceux qui étaient dedans. Étrangement cahoté derrière, je songeais à quitter ma place, quand la voiture, remise par degrés dans son parfait équilibre, m'annonça que les athlètes reprenaient haleine. « Mon cher la jeunesse, » dit alors une voix dont je reconnus les accents si doux, « hélas et si trompeur. Mon cher la jeunesse, ma chère Justine, » répondit aussitôt le butor, et je sens la caisse reprendre son balancement perfide. J'essaie de me glisser en bas. Un grain de sable se rencontre sous mes pieds et s'écrase en criant. « Mon Dieu !» dit Justine. « Caisse, j'entends du bruit. Vois, dans la cour, nous sommes surpris. » La jeunesse, étonnée, descend, passe près de moi sans me voir, marche au hasard dans la cour et affecte de tousser. Justine, plus morte que vive, est restée immobile dans le carrosse. Je me montre à la portière. « C'est moi, charmante enfant, j'ai tout entendu. Renvoie la jeunesse tout à l'heure. Songe surtout qu'il me faut un gîte et que je n'ai pas soupé. Quoi, monsieur de Faublas, vous étiez là ? Oui, j'étais là. Mais renvoie la jeunesse, donne-moi une chambre, donne-moi à souper. Je te dirai après ce qui m'est arrivé, ce que j'ai entendu, ce que tu as fait. » À ces mots, je regagne mon poste en tâtonnant. La jeunesse revient. Il assure à Justine qu'elle s'est trompée, qu'il n'y a personne. Justine soutient qu'elle a entendu du bruit, que quelqu'un est levé dans l'hôtel. Elle a la cruauté de renvoyer son triste amant, qui ne la quitte qu'après l'avoir embrassé plusieurs fois, et sur la parole qu'on lui donne que dès le lendemain, on lui offrira sa revanche à une heure et dans un lieu plus commode. Dès qu'il se fut éloigné, Justine me déclara qu'elle ne savait où me conduire. « Monsieur, me dit-elle, passe la nuit chez madame. »« Quoi, le marquis ?»« Il l'a voulu absolument. »« Ah, mais tu as une chambre, toi, Justine. »« Oui, monsieur, tout près de l'appartement de madame. » »« Eh bien, mon enfant, conduis-moi dans ta chambre. »« Il y a 7 mortelles heures que je m'enrhume et que je jeûne ici. » « Voudrais-tu m'y laisser mourir de faim et de froid ?»« Oh non, monsieur de Faublas. Oh, sûrement non. Mais c'est que... si ma maîtresse entend du bruit... »« Bon, je n'en ferai pas tant que la jeunesse en a fait la nuit dernière. » Justine me prit par la main, et tous deux, marchant sur la pointe du pied, allongeant le col et prêtant l'oreille, nous gagnâmes à tâtons la petite chambre en question. Justine alluma une lampe et se hâta de faire du feu. Elle n'osait me fixer. Mais son regard timide et détourné semblait me demander grâce, et je voyais sur le minois chiffonné de la friponne un petit air boudeur et confus qui le rendait plus piquant qu'à l'ordinaire. Pourtant, quelques réflexions délicates ayant étouffé les désirs renaissants, je sentis ma faim davantage. « Donne-moi donc à souper, Justine. »« Je n'ai rien, monsieur de Faublas. »« Quoi ? Rien du tout ?»« Ah, si, fait dans ma commode, 2 pots de confiture. »« Que 2, Justine ?» Oui, les voilà. Je n'en donne qu'à mes bons amis, au moins. En ce cas, mon enfant, c'est donc la jeunesse qui a entamé celui-là. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne l'avoir pas étrillé, ton la jeunesse, le jour qu'il galopait après moi au pont de Sèvres. Ah, vous lui avez donné un coup de fouet. Il avait le bras tout noir. Je ne m'étonne plus de l'intérêt que tu as pris dans le temps à cette rencontre. Mon enfant, donne-moi du pain. Je n'en ai point. Pas une bouchée, pas une miette. Et à boire ? Oh, de l'eau plein ce pot à eau. 2 pots de confiture, c'est le souper d'une religieuse. Monsieur, me dit enfin la rusée suivante, curieux de savoir comment je m'étais trouvé l'espionnant à 3 heures du matin. je croyais que vous aviez eu le temps de regagner la porte cochère. » Je l'interrompis pour lui conter de point en point ce qui m'était arrivé dans l'hôtel depuis que j'y étais entré. Elle se contraignit pour ne pas rire quand je lui parlais du boudoir. Le souvenir de sa chute sur l'escalier la fit presque rougir. Un faux air de commisération parut sur ma maligne figure quand je lui racontai mon emprisonnement dans le carrosse. Mais lorsque j'en vins à la dernière partie de mon récit que je comptais égayer par quelques épigrammes, il se fit dans son maintien la plus prompte des révolutions. La pauvre fille baissa les yeux, pencha la tête, pâlit un peu, et de sa main droite, comptant les uns après les autres les 5 doigts de sa main gauche, elle hasarda timidement quelques mots d'une justification fort difficile. « Monsieur de Faublas, ne me dites pas ce qui s'est passé dans le carrosse, je le sais, j'y étais. » « Tu veux donc bien en convenir ?»« Oui, mais je ne vous ai pas fait une infidélité. »« Comment ? Es-tu bien sûr de ce que tu dis là, mon enfant ?»« Certainement. Je ne vous ai pas quitté pour la jeunesse. C'est au contraire la jeunesse que j'ai trompée pour vous. »« Ah ! Oui, monsieur de Faublas. Vous ne m'aimez que depuis quelques mois, vous. »« Et la jeunesse ? Il y a plus de 2 ans. Je vous ai préféré dès que je vous ai vu. Mais je n'ai pas voulu rompre tout à fait avec lui parce que je le ménage pour le mariage. » « Tu t'y prends bien. » « Vous riez, mais soyez sûr qu'il m'épousera. »« Sans doute, Justine. Il t'épousait il y a 1 demi-heure. »« Que je suis malheureuse. Je vois que vous êtes fâchée contre moi. Et peut-être que demain, ma maîtresse me chassera. »« Quoi ? Tu penses que je lui dirai ? » ?»« Non, monsieur, ce n'est pas cela. Mais madame la marquise n'est pas contente de ma chute sur l'escalier. Elle n'en a pas été la dupe. Quand je suis rentré, monsieur le marquis est venu à moi. Il avait l'air de me plaindre. » Mais madame m'a regardé de travers. Justine, si elle te renvoie, tu n'as qu'à venir me le dire chez moi. Je te chercherai une place. À une condition cependant. Depuis 5 mois, la marquise prétend qu'elle est enceinte. Ah, monsieur, je vous assure. Oui, ce que tu m'as assuré plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ne te hâte pas de me répondre. Je saurai tôt ou tard la vérité. Et si tu ne me l'as pas dite, je t'abandonne. Mais, monsieur, si je vous l'ai dit, alors ne crains rien, je ne te compromettrai pas. « Ainsi, Justine, il est donc vrai que ta maîtresse n'est pas enceinte ?»« Monsieur, elle vous a conté cela dans le temps pour se raccommoder avec vous. »« Et cette nouvelle a paru vous faire tant de plaisir que depuis elle n'a jamais pu se décider. »« Vous auriez tort de lui en vouloir. Tout ce qu'elle en fait, c'est pour vous plaire. »« Oui, oui, Justine, si elle te renvoie, je te chercherai une place. »« Et en attendant, tiens. » Je la forçais d'accepter les 10 écus que je lui présentais. « Vous feriez bien, me dit-elle, de vous jeter sur mon lit. »« Mon enfant, je ne suis pas mal sur cette chaise. » Justine insista. Mon malheureux sort me poursuivait. Je refusais, en lui observant qu'elle devait être plus fatiguée que moi, que son lit lui était nécessaire, qu'un simple matelas me suffirait, si elle voulait bien m'en faire le sacrifice pendant quelques heures. Justine, docile à regret, étendit par terre, près de la cheminée, sa paillasse, sur laquelle elle mit un matelas. Ensuite, elle se jeta tout habillée sur son lit, beaucoup diminuée par le partage. Puis, me souhaitant une bonne nuit, elle me regarda tendrement et poussa un long soupir. Je ne sais quoi me fit soupirer aussi malgré moi. Mon imagination, toujours vive, égarait ma faible raison. J'allais succomber quand tout à coup je me rappelais ma Sophie. Il est vrai que je m'en souviens aussi du balancement de la caisse. Quoi qu'il en soit, au lieu d'aller au lit de Justine, je me précipitais sur celui qu'elle venait de me faire. Je posai ma tête sur mon bras devenu mon oreiller. Je m'endormis profondément, et je laisse le lecteur à décider si ce fut le dégoût qui étouffa le désir, ou si, pour cette fois, l'amour tendre triompha de l'amour libertin.